Comme un air d'endetté de quotidien, de répondeur de mec qui parle bolivien. Comme un air de Yankee, tout est lassé. Comme un air de trop de sang pour tout effacer. Comme un air de Phuket et de plat Thaïlande. De mecs qui se la donnent avec des plaques allemandes. Comme un air de qui écoute et qui croit. De terre, de guerre, comme un air de territoire. Comme un air de deuil, comme un air de Clermont. Comme un air de pourri, comme un air d'enterrement. Comme un air de placard, comme un air de Fleury, de Fresne. Comme un air de bois d'art. Comme un air de star et de matraquage. Un air de, c'est le dernier des quatre braquages. De fusil d'assaut, mais y'a pas de partage. De frères, mais cette fois y'a pas de partage. Comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux. Y'a comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux. Comme un air de rationalité. Rien à foutre de ton blast, ta couleur, nationalité. Comme un air de noirceur, de rivalité. Comme un air dont s'en bat les couilles que t'es validé. Comme un air de Chicago, de faire le Michael. Comme un air de ferme ta gueule. D'y comprennent pas, alors traduisons. Comme un air de bastos et de trahison. Comme un air d'appartenance, comme un air de tchécar. De fonder une famille, comme un air de départ. Comme un air de balance, comme un air de lépard. Parce qu'il y a des chatons qui se prennent pour des guépards. Les nuits se font, les jours se passent. Comme un air d'une balle, tes joues se glacent. Ton corps refroidi, un soir de mardi. Ou peu importe, ta mère pleure et tout se casse. Y'a comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux. Y'a comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux. Comme un air de partage, de stratagème. De litron, de rockma, de carthagène. Comme un air de nouvelle vie, de fiancé. De séquestration car la drogue vient financer. Comme un air de nouveau terrain, de nouvelles passes. De nouvelles caisses, de nouvelles tasses. Les nouvelles viennent, les nouvelles passent. Comme un air de nouvelles têtes, de nouvelles basses. Y'a comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux. Y'a comme un air de, comme un air de, comme un air de. Y'a comme un air de, mec qui parle mal d'emmerde. Fils de pute qui joue les nerveux.